بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في السؤال 56. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: وردت أسماء الملائكة مثل جبريل وإسرافيل وملك الموت، وقد ورد أن ملك الموت اسمه عزرائيل، فهل هذا صحيح أم لا؟ Donc il a été interrogé, le cheikh, que les noms des anges sont, par exemple, des noms des anges ont été cités comme Jibril, on peut dire également Jibra'il, et Israfil, et Malak al-Maut, qui veut dire l'ange de la mort. Et il a été également dit que cet ange-là, l'ange de la mort, se nommait Azra'il. Donc est-ce que cela est authentique? Fa'ajaba rahimahullah ta'ala. الملائكة عليهم الصلاة والسلام وردت أسماء بعضهم مثل جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بنفخ السور، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، يعني بالأمطار والنبات الأرض. Donc il a dit les anges عليهم الصلاة والسلام, certains d'entre eux ont été nommés textuellement dans la révélation comme Jibril. On dit Jibril, on peut dire Jibra'il. C'est lui à qui a été confiée la tâche de la révélation. C'est lui qui descend la révélation sur les prophètes. Et Israfil, qui lui à qui a été confiée la tâche de souffler dans la trompe le jour de la résurrection. Et Mikaïl, qui lui a été confié de faire descendre la pluie et de s'occuper de la végétation sur terre. Wa ha'ulai thalatha kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam يذكرهم في استفتاح صلاة الليل، فيقول إذا استفتح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. Donc il a dit ces trois là parmi les anges, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est cité dans le dua d'ouverture de la salat de nuit, lorsqu'il disait: ô Allah, Seigneur de Jibra'il et de Mika'il et d'Israfil, Créateur des cieux et de la terre, Connaisseur de l'invisible et de l'apparent, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs dans ce quoi ils divergeaient. Guide-moi dans ce qui a été dans ce quoi il y a divergence, dernier guide-moi vers la vérité, car tu guides qui tu veux vers un chemin droit. Et c'est un hadith rapporté par Muslim et Ashab al-Sunan. وإنما كان يذكر هؤلاء الثلاثة لأن هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم موكل بما فيه حياة، فجبرائيل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان. إذا نفخ في السور لأنه هو موكل لنفخ في السور. Donc il a dit ces trois anges là ont été explicitement nommés. Pourquoi ils ont été désignés cela en particulier? Car chacun d'entre eux, il était confié une tâche qui est liée à la vie. Jibril, lui, se charge de la vie des cœurs par la révélation. Mikaïl se charge, lui, de la vie de la terre par la pluie et par la végétation. Quant à Israfil, lui, se charge de la vie des corps, car c'est lui qui soufflera dans la trompe lorsque les gens retrouveront la vie après la mort. أما ملك الموت فإنه لا يصح تسميته بعزرائيل وإنما يقال فيه ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولم يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه عزرائيل. Donc il a dit quant à l'ange de la mort, rien d'authentique n'était rapporté qui se nomme عزرائيل. Ce qui est venu comme hadith à ce sujet, ils sont tous faibles. Donc, on l'appelle comme Allah l'a nommé, Malak al-Maut, qui veut dire l'ange de la mort. Dans le sens où Allah dit, vous fera mourir l'ange de la mort, celui qui a été chargé de prendre vos âmes. Amma Malik khazin al-Nar, faqad ja fi al-Qur'an, wa nadaw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Quant à Malik, qui est le gardien de l'enfer, lui, son nom a été nommé dans le Qur'an. Lorsque dans le sens où Allah dit, lorsqu'ils appelleront, c'est-à-dire les gens de l'enfer, ô Malik, que notre Seigneur, ou que ton Seigneur nous achève. Az-Zukhruf, leur nom, verset 77, c'est-à-dire les gens demanderont à Malik qu'il invoque Allah, qu'il les fasse mourir tant ils souffriront dans le feu de l'enfer, wa la'azu billah. Donc de là, le nom Malik était cité, même dans d'autres hadiths. Et il y a également les deux anges qui interrogent dans la tombe, qui sont Nakir et Munkar. Nakir et Munkar, bien que certains ulama voient que ce sont juste des descriptifs et non pas des prénoms. Allahu ta'ala alam. Et pour revenir en fait de se nommer par le nom des anges, l'auteur avait été interrogé également dans les questions précédentes, et lui voit que ce n'est pas permis. Et dans un autre avis, il dit quoi ? قال مسألة أما أسماء الملائكة فمن العلماء من قال أتسمي بأسمائهم حرام ومنهم من قال إنه مكروه ومنهم من قال مباح والأقرب الكراهية مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل فلا تسمى بهذه الأسماء لأن أسماء الملائكة. Donc lui il dit les noms des anges parmi les ulama, certains qui l'ont vu haram, d'autres qui l'ont vu détestable et d'autres qui l'ont vu permis. Et lui pour lui le plus correct c'est de dire qu'ils sont détestables. Comme se nommer Jibril, Mikaïl et Israfil. Ce sont des noms des anges, donc il ne convient pas de se nommer de la sorte. Voilà l'avis de Shir. Et d'autres ulama, comme Shir Bakr Abu Zayd, dans l'un de ses livres également, lui voit qu'il est interdit de se nommer par les noms des anges, car il dit que cela ressemble aux Mushrikin, qui disaient que les anges étaient les filles d'Allah Azawajal. Donc lorsque l'on nomme les gens par les noms des anges, ça fait une ressemblance avec leur acte qui est de mettre comme si les créatures, nommées de la sorte, étaient les fils d'Allah. Et le pire encore, c'est de nommer une fille Malaka, ou Milak ou Malak. Le fait de nommer une fille par ce genre de prénom. Malaka, qui veut dire ange de façon féminine, et que les anges ne sont pas des créatures féminines. Et Milak ou Malak, qui ont le même sens. Adhallazina bahna alihi fi hadha as-su'al, walhamdulillahi rabbil alamin.